scellée sous les chaînes, la nuit danse. Riders qui l'avance lourd de silence. Chaque pas frappe, brisant l'absence. Pierre raconte mille batailles, chaque cicatrice une médaille. Les bras levés sous le ciel gris, on marche droit, jamais soumis. Les flammes dansent au creux des ombres, nos âmes tiennent, la peur succombe. S'élève en prière profonde un chant d'espoir sur ce sol qui gronde. Riders qu'il veille, sentinelle fidèle, protège ses frères, gardien du ciel. Les cœurs battent en rythme lent dans cette forêt chaque instant. Veilleurs de l'ombre, bras levés haut, nos voix s'unissent, défiant le chaos. Riders qu'ils mènent, flammes et acier, dans cette lutte, rien n'est laissé. Sous la pluie, sous l'orage, nous bâtissons un sentier brûlant. La nuit s'éloigne, le feu crépite, nos mains se serrent, jamais en fuite. La solidarité forge la chaîne, dans chaque regard une haleine. On avance, unis et fiers, même quand tout semble sévère. Chaud souffle sur la plaine, le sol tremble, la voix se déchaîne. Riders qui lèvent l'épée haute dans la tempête, il reste la route. Les sabots martèlent, le sol humide, la charge arrive, la voix rapide. Riders qui hurle, l'esprit de guerre, chaque coup porté repousse l'enfer. Dans l'écho, la victoire s'annonce. Sur cette terre, l'espoir s'élance. Le calme revient, fragile et tendre, mais sous la surface, tout peut reprendre. La nuit écoute, chaque souffle porte notre route. Riders qui sourit, prêt à frapper dans la forêt. torches brillent, un cri s'élève, la troupe s'unit, rien ne la soulève. Sous les cieux, la guerre est sainte, chaque pas écrit la plainte, chaque nom gravé dans la roche, chaque bataille forge la roche. Notre loi, le jour se lève, la brume se dissipe, mais la lutte vit dans chaque cri, Raiders qui part.